mes vacances, et ben je les passe ici. George Aguello, bah 7h48. Café sans sucre avec ma hiérarchie. On s'interdit, les interdits. Si je souris, je souris aussi. Le sérieux est toujours de la partie.